Doudou Master. Sur le street album de Baba. Face à l'oppression, face à l'oppression, face à l'oppression. J'ai envie de rapper, non de faire exploiter. Je balance mes textes, parfois durs, mais toujours dans le contexte. Rien d'autre à t'écrire, à part ce que j'ai vu et subi. Je rappe pas pour faire pleurer les gens, moi. Je rappe pas pour épater les femmes. Je rappe pas pour me sentir plus fort. Je rappe pour dire ce que j'ai à dire. Et pour ces rappeurs, je crains le pire. Moi, si j'ai la possibilité de passer un message à la France entière, je leur dirai pas ce qu'ils veulent entendre. Arrêtons de nous voiler la face et combattons pour que le rap ne soit pas un taf de l'opel. Plutôt le récit de notre vie. Laissons la génération prochaine un rap pur, sinon c'est la mort du rap. Et telle prémédité, mon crew engage la rébellion. Et tout ça en indé. J'ai pas attendu que le rap me fasse vivre. J'ai pas attendu de rapper pour me la raconter. Tout mon putain je l'ai fièrement gagné. Je ne prostituerai jamais mon rap. 2006 je lâche pas la grappe. Hip hop jusqu'à la mort, je vais exploser les portes de Skyrock. Un seul mot de la bouche de ces poireaux. Et c'est la tournée des euros. Un big up à Jean Gabin de leur avoir dit leurs quatre vérités. Et je le dis en toute sincérité sur mon album. J'ai les filles, mais pas un seul a été payé. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Cacher les femmes et les enfants, ça va faire mal. Va y avoir des balles perdues. Meurtre en serré lyrical. Couche-toi à terre si tu piches pas. Pas. Jack, j'ai comme un calibre. Si je m'en sers, c'est pour que ça touche. Fisse la tête ou le cœur. Moi, c'est pour les frères et sœurs qu'on expulse à tout cœur. J'aimerais te parler de bonheur. Mais c'est tellement la merde autour de moi. Nique sa mère, moi je pleure pas. J'attends rien de personne. Je fais ce que je dois faire. Je dis ce que je dois dire. De toute façon, ça change rien. Même si ça dérange, de toute façon, ils mangent bien. Mais reste, c'est pour les chiennes et les chiens que je le dise dérange. Moi, je m'en bats les reins. Comme leur CPE de merde, je m'en bats les reins. Leur justice de merde, moi je m'en bats les reins. Mon rap te dérange, je m'en bats les reins. Je te mets qu'avec le ref. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Moi j'rappe pour mes potos, j'rappe et prends l'air avec mon béto. J'rappe en direct de mon balio, j'décris la vie avec mes mots. C'est pas un ragot, mes humeurs, j'rappe en tant qu'acteur de mon film d'action. Et à la fin j'prends pas la sanction, tout le temps en mission. Pour mon crooner ce n'est pas que français, déterminé à se faire entendre. Tu papes sur volant de ton bolide, esprit caïd, j'écorche le rap comme un laïc. Moi j'rappe pour les caïds, les voleurs, les braqueurs, les dealers qui esquivent la faillite. Moi j'rappe pour mon estime, j'rappe pour mes frérots. J'rappe des mots pour scier les barreaux, j'rappe pour faire danser tous les ghettos. J'rappe pour faire mal sur chaque instrumental. J'rappe pour meneur de gloire. Faut que ça bouge et leur mentalité friandise. Faut la lâcher. Trop de rats dans mon vécu. Trop de rats dans mon vécu. J'entends pas. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap est autodidacte, il porte la révolte mais des claques. Il est la bastos glacée du Glock planté dans la tête des énarques. Baba Doudou Machima, joue la rime qui éclate les monarques. Comme si c'était pendu à l'arc de triomphe par leur cravate. La violence dans nos textes, les moins que les contrôles sous prétexte du faciès. Chaque fois que l'état nous teste, c'est pour que nos lyrics s'affirment notre noblesse. On devrait mettre ses barges dans une cage, les jeter au large, faire le ménage. Pendant que notre âge au mic fait des ravages et que nos vues fument des pages. Pendant qu'on gratte des feuilles bières, je reste sage. Alors arrêtez de jacter, juste pour plinguer notre image. Sinon ça risque vite de tourner au carnage. Au carnage. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap dérange et incite à la violence. C'est le constat qu'ont fait ces députés. Mon rap dérange et incite à la violence. Leur esprit n'est pas plus affûté. Mon rap dérange et incite à la violence.